أحوال الدعاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله دون سون ليفغ الإمام ابن القيم رحمه الله دي دون سون ليفغ لا مالادي لو تريتمون دونك لي إيتا d'accord de l'invocation. وكثير ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقتا إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته فيظن الضال أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. Donc il dit que beaucoup parmi les invocations que quelqu'un a invoqué, qu'un musulman, qu'un croyant, qu'un musulman a invoqué avec, et l'invocation a été exaucée. Donc il se peut que, donc, pendant cette invocation-là, celui qui a invoqué, bien sûr, avait la présence du cœur, tout ce qu'on a vu précédemment, la présence du cœur, d'accord ? Qu'il fait du bien, qu'il a fait de bonnes œuvres, et qu'il a la présence du cœur, qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord ? Et qu'en plus il a fait cette invocation-là durant les horaires propice à l'exaucement et son invocation a été exaucée. Eh bien, certains vont penser que le secret dans cela, dans l'exaucement de l'invocation, est dans la prononciation des termes qui ont été employés durant l'invocation. Donc il y en a certains, ils ne vont pas prendre en considération les différentes conditions avec la présence du cœur, avec le faire les causes pour que l'invocation soit exaucée, il y en a toutes les causes qui en découlent, et puis faire les invocations durant les horaires propices à l'exaucement, etc. Ils ne vont pas prendre cela en considération, ils vont penser que si cela a été exaucé, c'est par les termes qu'il a utilisés durant l'invocation. D'accord ? Ils pensent que le secret est dans cela, c'est dans les termes utilisés. D'accord ? Et donc, ils vont utiliser les termes tels qu'ils ont été utilisés durant l'invocation, d'accord ? Par celui qui a invoqué. Il dit « وَهَذَا كَمَا إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلٌ دَوَاءً نَافِعًا فِي الْوَقْتَ الَّذِي يَنْبَغِي اسْتِعْمَالَهُ عَلَى الْوَجْهَ الَّذِي يَنْبَغِي فَانْتَفَعَ بِهِ فَظَنَّ غَيْرَهُ أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذَا الدَّوَاءَ بمجرده كاف حصول المطلوب كان غالطا وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. Il donne ici un exemple, l'imam al-Qayyim rahimahullah, en disant, eh bien, c'est comme quelqu'un qui utilise un médicament qui est bénéfique à une heure précise, d'accord, dans lequel il est donc demandé d'utiliser ce médicament-là, d'accord, et selon la dose prescrite et selon toutes les conditions, eh bien en le prenant, en appliquant toutes les conditions, d'accord, cela lui est bénéfique, d'accord, inchallah. Alors il y en a d'autres qui pensent que, eh bien, c'est le fait d'utiliser ce médicament-là, sans prendre en considération les différentes conditions, etc. Eh bien, juste en l'utilisant, eh bien, cela est suffisant pour obtenir ce qui est voulu, c'est-à-dire la guérison. Eh bien, ceci est une erreur. D'accord ? Eh bien, c'est exactement le cas, par exemple, lorsque vous voyagez en Afrique, dans certains pays d'Afrique, vous prenez les médicaments contre le paludisme. Eh bien, les médicaments contre le paludisme, il y a des conditions très précises. Il faut les prendre avant le départ, à une heure précise. D'accord ? Si par exemple vous le prenez à 7 heures du matin, vous devez le prendre le lendemain à 7 heures du matin. D'accord? Et vous devez faire ceci pendant le séjour. D'accord? Et continuer d'en prendre aussi à une même heure précise une fois le retour. D'accord? Afin de mettre les causes pour que cela soit bénéfique, Inch'Allah. Eh bien, celui qui pense que le simple fait de prendre ce médicament est suffisant pour se protéger du paludisme, eh bien, ceci, c'est une erreur. D'accord? Eh bien, c'est cet exemple-là qu'il a donné l'imam Al-Qayyim, rahimallah, en mentionnant que, eh bien, ce sont des cas dont beaucoup de gens font l'erreur dessus, en pensant que c'est juste, en prenant les mots qui sont dans une invocation, en récitant ces mots-là, en pensant que eh bien, cela va donner automatiquement, va permettre que l'invocation soit exaucée. Ça, c'est une erreur. Si on ne prend pas en compte la présence du cœur, la crainte pieuse, revenir repentant vers Allah, Azza wa Jal, demander à Allah de nous pardonner, faire les causes dans les, que l'invocation soit faite durant les horaires dont yani propice à l'exaucement des invocations. Donc ceux qui ne prennent pas en considération tout cela et qui n'ont même pas la présence du cœur et qui vont juste réciter les paroles qui sont mentionnées dans un dua et ils pensent que cela est suffisant, ceci est une erreur. والأدعية والتعويذات بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر دي الإمام القيم رحمه الله تعالى Les invocations et les demandes de protection sont comparables à une arme. L'effet d'une arme dépend moins de son efficacité propre que de son utilisateur. Quand l'arme est sans défaut et l'utilisateur capable et les obstacles inexistants, l'arme peut porter une grande atteinte à l'ennemi. À défaut de l'un de ces trois facteurs, il n'y a pas d'effet. D'accord ? Il n'y a pas d'effet. C'est pour cette raison que si l'invocation en elle-même n'est pas une invocation convenable et que celui qui invoque ne réunit pas entre son cœur, sa langue ne réunit pas son cœur et sa langue la présence du cœur et qu'il dise une bonne invocation il ne réunit pas ces points-là dans l'invocation ou bien qu'il y a quelque chose qui empêche que l'invocation, un des points qui empêche que l'invocation ne soit exaucée, comme on avait vu précédemment, c'est-à-dire que soit il mange de l'illicite, ou il boit de l'illicite, ou s'habille de l'illicite, ou soit il invoque une chose yani pour le couper les liens de parenté, ou il y a quelque chose qui empêche que l'invocation soit exaucée, d'accord ? Donc, premier point, donc, c'est que si l'invocation en elle-même n'est pas une bonne invocation, n'est pas bonne, d'accord ? Ou que, deuxième point, que celui qui invoque ne réunit pas son cœur, la présence de son cœur, lorsqu'il invoque, avec sa langue dans l'invocation, d'accord ? C'est-à-dire, il dit, mais son cœur est absent, quoi, d'accord ? Il prononce des choses, son cœur est absent, il n'est pas... D'accord ? Donc ça c'est le deuxième point. Donc premier point, donc si l'invocation en elle-même n'est pas bonne, deuxième point, si celui qui invoque ne réunit pas la présence de son cœur avec sa langue dans l'invocation, d'accord ? Le troisième point, ou bien si il y a un des facteurs empêchant que l'invocation soit exaucée, d'accord, comme on avait vu précédemment, les différents points, qui empêchent que l'invocation soit exaucée, d'accord, alors il n'y a pas d'effet. Alors il n'y a pas d'effet. Donc c'est en comparaison avec l'image de l'arme et avec l'invocation.